Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Le genre comme la terre entière. Nous fasse les Gémeaux. Le genre qui en part en arrière. Nous fasse les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Le genre qui allume le mic comme un joint. Le genre que l'on confond à l'étalon tellement il aime le foin. Porter plus de feuilles qu'à des rables sur mon continent. Le genre qui drop plus de rimes ton grand-père incontinent. Les flins dans les dents, toujours dans les dents. C'est pourquoi je roulerai sur le fer quand tu joueras dans les temps la normale. Oublie ça ma folie frise de génie. Bénis les mics scientifiquement comme l'écurie Ferrari. Pole position, missionnaire, révolutionnaire. Mon genre de façon de faire sera de plaire. Je laisse faire mon flow tight comme une vierge dessert. En douceur, plus tard t'enfant en douleur. Je fous de leur plat. À propos de si et ça, réfier ça. Pas le genre à changer de face comme Jackson Black. Serait plutôt wack de prendre ça pour un dé. Sachant que j'ai passé 10 années sur 20 à écouter que 10. Certains disent qu'un white guy peut pas high fly, j'réplique ça. Pretty wack for a punk ass. Ton jackass, tant que tu veux comme une pétasse. Mais sache que tous les gens de mon genre te fracassent. Ne fasse les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre qui en part en arrière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Le genre qui emmerde la terre entière. Nous fasse les Gémeaux. Le genre qui en part en arrière. Nous fasse les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis pas le genre de MC dont le nez s'agrandit à la manière de Pinocchio quand le micro se franchit. Qu'est-ce t'en dit? Pas le genre d'apprenti bandit qui se repentit. J'suis un incendie. Le genre qui malgré la constellation reste au bâtard. Qui rentre tard le soir. Pas le genre à jouer la superstar. Le genre qui passe des nuits blanches comme la substance. À écrire des textes trop intenses pour ton nouvel dessin. Pas de chance. Pas le genre qu'on encule comme un grec. Ni celui qui porte le mot ou supporte l'arc-en-ciel démentiel. Mon flot t'emporte sur ses ailes. Le genre qui porte fort mais passe pas tant qu'il. J'vois pas les gratte-ciel. Mon grain de sel. Il faut que je foute partout. C'est essentiel. Toujours le genre à voir le gros bout. Les glou-glou coulent jusqu'à ce qu'on vous mise partout. Le genre qui tient avec des alcoolos qui pissent. Le genre qui t'aidex son majeur si t'es mineur. Respect ta grande sœur, la voix en l'air comme un ascenseur. Fais peur. Le genre qui rappe et qui chante pas. Viens faire un tour chez moi comme un géophate. Ne fasse les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre qui en part en arrière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Le genre qui emmerde la terre entière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre qui en part en arrière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Le genre qui cherche encore du papier, mais pas pour rouler un spliff, ni pour une snoop. Juste question d'être plus riche le jour où prendrai ma retraite, mais d'ici là ramasse les dollars. Qu'échangerai en pesos, c'est tequila. Le problème, c'est que je suis le genre qui dépense plus qu'en caisse. Toujours à la recherche d'une nouvelle pêche fraîche. Le genre qui est atteint de léger des axes, qui se console en voyant des fous comme Doom faire la troisième page. Plutôt relax, sur 7, 24 sur 24, car au cou. Et pour me le prendre, il faut un 44. 7 sur 7, 24 sur 24. 24, car au cou, pour me le prendre, faut un 44. Le genre qui emmerde la terre entière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre qui en part en arrière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Le genre qui emmerde la terre entière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre qui en part en arrière. Ne fasse les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là.